Vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 20h35 et l'émission From Jazz to Jazz n'est pas là. N'étant pas là, l'émission From Jazz to Jazz ne s'est pas décidée à émettre ce soir sur les ondes du 92.2 FM, il y a un canal sudien au 40 rue Alfred Dumérilien à Toulousien 31 400 en France. Pendant ce temps-là, Nuisance bat son plein avec une demi-heure d'avance. Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Thank you. wondering where all this is going, but we don't care, do we? Do we care? We don't care. We don't give a flying fuck what's gonna happen to this stupid joint-ass fucking ad. I mean, it's like they never get it anyway, and you're always puking this factory. This is sex. This is sex. This is the fact. This factory. It's a factory. It's full of satisfaction. And we get it up the ass the whole fucking time, the whole goddamn shitty way. It's the wake of the new time, the new order of shit versus cum, and cum and jism with versus blood. And with it or without it, you don't get it, do you? Bonsoir, vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, c'est Nuisance, Nuisance, c'est émission qui est Nuisance, c'est émission de toutes les nuisances. Nuisance est une émission d'expression libre, expression à tendance libérée, libérée de tout affront, affront, non, il n'y en a pas, on n'en a rien à foutre. Foutre. Pourquoi pas libérer l'antenne tant qu'on y est, cela faire un peu comme ça. On va faire un peu les mois parce qu'on est français et que la France c'est super important, on veut vraiment gagner cette fois-là. It's all the same goddamn solution the whole goddamn time. You know what I'm talking about, don't you? Don't chew on the bone, man. Chew on the marrow. Chew on the marrow up your ass the whole fucking time. Yeah, fucking time. Bonsoir. Alors, je vous conseille de prendre les casques. Faut prendre les casques. Sinon, on s'entend pas. D'accord. Ouais, là vous vous entendez là? Oui. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Bon bah vous êtes éminemment là, donc vous avez une question à répondre, ou vous avez posé une réponse. Allez-y, n'hésitez pas. Alors on peut tout faire ici sauf dire de la merde et penser de travers. C'est un truc qu'on veut pas ici, c'est de penser de travers. On va penser de travers ici, on veut péter plus haut que son cul. Mais... Ouais. Péter. Plus haut que son cul. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était une transe qui est partie depuis une demi-heure et que les gens sont en train de baver de l'autre bout du fil, quoi. Jusqu'à ici, je veux dire. Et que pendant ce temps-là, leur bite, elle ramollit. Elle ramollit. Elle ramollit du bulbe. Leur bite. Elle ramollit. Elle ramollit du bulbe. Leur bite. Leur bite. Elle ramollit. Elle ramollit du bulbe. Leur bite. L'orbite. L'orbite ramollit du bulbe. Du bulbe. L'orbite. L'orbite ramollit du bulbe. Orbital. En démentiel. Compte toujours de face au lance en travers. En travers de la question. La question lance-réaction. La question lance-réaction. Minimal. Là on est en pleine minimale là. C'est de la minimale club French Touch House. Ouais ouais. Et quelqu'un a de l'extasie parce qu'on en veut pas ici, on est straight edge, on prend pas de drogue. Nous ce qu'on prend c'est des réactions on les prend les réactions ben, un peu plus bas que ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Mais jusqu'en haut. Jusqu'au bout ultime. Et puis je vous ai déjà rappelé qu'il est interdit de fumer ici. La fumée nuit à la question. Donc la question en réaction ne peut pas vivre en matière de fumée et brume. Donc comme le mystérieux, toujours aléatoire, n'est pas questionnance, on va pas aborder le sujet aujourd'hui. C'est pas si facile, tu sais, d'être un gros con. Tu sais, c'est pas si facile, sois gentil avec le con. Parce que le con, tu sais, le con. Tu sais, le con, c'est pas si facile, tu sais. Ouais. Vas-y, mets-nous un beat. Tu vois ce que je veux dire? Ah, bien profond. Ouais. Il est bien profond ton beat. Ouais, mets-le bien profond encore plus. Ouais, bien. T'es bien profond là, vite. Avec bien profond. Vous êtes là. Vous êtes très là. Vous êtes tellement là, même que la lassitude vous manque. Vous êtes là, très là. Vous êtes tellement là que la lassitude vous manque. Vous êtes là, tellement là. Vous êtes tellement là que la lassitude vous manque. I've been gone so fucking long that it seemed like fucking high to me. Ce qui signifie bonsoir les petits et les petites. Vous écoutez Nuisance, Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances, sur Canal Sud 92.2 FM, qui n'est pas responsable des actes ni des paroles de ce dit, susdit, je veux dire, producteur. Malheureusement, si. Alors, le susdit producteur, comme sous-dit, va signer une charte avec lui-même et dire autre chose que de la merde tout le temps, et va se censurer, oui, se censurer pour la bonne cause, celle des autres, parce que les autres, c'est la merde. Que va-t-il se passer? Eh bien, rien. D'où la lassitude, justement. Oh, une soirée était classe. Ouais, c'est exactement ça. Et donc, bon, bah, si on enfreint les règles de la loi, eh ben, on ne peut pas faire tranquillement les choses sans buter sur une anecdotique réaction, donc tangentielle. On peut se demander à quel point l'inabsconce territoire révèle en tendance aléatoire, toujours donc chaotique, on n'a qu'à dire chaoteuse même, cette voix. Voilà, donc A, E, I, O, U et Y, et bien on ne le dit pas car il est compris dans le I, n'est-ce pas? Alors ce soir j'avais envie de faire un truc bien, alors je me suis dit tiens, je vais mettre de la merde. Et c'est à ce moment-là précis que on me l'a dit en me faisant savoir que la merde ce n'était pas moi. La merde c'était autre chose que de moi, que de toi. La merde c'est la grandeur de la merde, la beauté de la merde, la senteur de la merde, le parfum de la merde. La merde, ce n'est pas un mot, c'est un concept. C'est un concept doré, toujours abscons, toujours un territoire inavoué, inadverse, bien que tangentiel. Merci. Les gros cons de merde, tu pues, je t'encule papa, va te faire niquer grosse pute de chiotte du sud. On a eu la chance cette semaine d'avoir du foot à Toulouse, la semaine dernière aussi, on est trop contents, donc vive le foot et on les encule tous. Coming hand on the other side of the border. It's full of it. It's full of it. Shit, you know what I mean. Did you get that? Did you get that, soldier? Get up and walk. Get up, walk and die. Stupid, goddamn, fucking mouton. Mouton. Mouton. Moutonnade. Tapenade. Mouton. Mouton. Tape le mouton. Tape. Tape le. Tape le mouton. Tape le mouton. Et à moi, c'est pour les faibles. Tape les boutons, tape les, tape les, tape les boutons, tape, tape, tapenade, boutonnade, tape, tape. Stupid dumb shit, motherfucker. Production sucks. Death rules. La mort, la mort. Dans ce temps, la Terre tourne ses rondeurs atrophiées en direction du ciboulot, et même que ce que je dis, c'est vrai. Le ciboulot m'a tué. Le ciboulot m'a tué, j'ai exprimé mes fautes en direction du soleil. Le soleil brûle en ma faveur. Je suis l'élu. Je suis l'élu de Dieu. Et je mérite tout. Tu n'es rien. Tu n'as même pas atteint la crotte de mes semelles. As-tu seulement touché la profondeur du schiste ? Dis ce que tu penses. 1, 2, 3, crois-moi. Crois-moi, je suis là pour toi. Tu n'as pas besoin de moi. Tu es seul. Seul en enfer. Et c'est pour l'éternité l'enfer. Alors dis-moi, as-tu vraiment vécu ? Vis-tu toujours ? Ou vivras-tu ? Pour l'éternité, enfin, en moi, seul. Je suis ton schisme. Je suis ta schiste. Je chie tous les jours. Et même que des fois, plusieurs fois par jour, je schiste. Grave, même que ce que je dis. Pas tout à fait vrai. Je mens. Enfin. Je t'ai toujours menti. Je te déteste. Tu mérites de souffrir. En silence. Martyr que tu es. Martyrisé. Pour l'éternité. Tu vas mourir. Pour l'éternité. Et ce sera le dernier instant de ta vie. Et tu comprendras alors que tu n'es pas grand chose. Que tu n'as fini par pas être grand chose, et qu'à l'habitude que tu as prise, on mesure ta valeur, et ta valeur, c'est pas grand chose. Mais comment tu peux dire ça? Tu te calmes un peu. Si je vaux quelque chose, je vaux 20 000 pesetas et plein de blé, quoi. Et de l'orge, et de l'avoine aussi, et de la bière, plein de bière. Des bières en bois, bien sûr. Et aussi des cercueils pour crever. Et toujours la même merde. Et pendant ce temps-là, non, c'est pas vrai, une Ferrari. Moi, je veux une Ferrari dans le cul. Dans le cul, mets-la moi dans le cul, vas-y. Non, mais c'est pas vrai ce que tu dis. Tu mens à quelqu'un. Non, je ne mens pas. Je suis là. Je suis toi. Et moi, je suis moi. Je t'emmerde. Tais-toi. Tu peux dire ça? masochisme, exil, voyeurisme, fétichisme, manège sont au programme. Faites votre choix parmi ces clés plus vieux, tous plus hautes, les uns que les autres. C'est vous qui composez votre menu en fonction de votre envie. Chaque clé dure plus d'un quart d'heure et vous ne payez que ce que vous regardez. Alors trêve de discours, passons aux choses sérieuses. Bonjour, bienvenue dans Slivy. Je suis pas the sorts wander up, down and up again. That's all about it. Pas de côté vers le côté. On fout de voir ou croire, croître vers le désespoir. L'espoir impertinent rebute ses côtés. Allons travers jusqu'à parfois par paresse, mais gardant de pouvoir. Et c'est là le hic pouvoir. Pour espoir impertinent qui rebute en se défouloirisant. Merde. Jusqu'à deux fois, merde, fois, chiotte. Car ça, au moins, c'est de la conscience, oui. C'est ça la conscience, un défouloir qui peut le devenir sur soi, oui. Et c'est pourquoi je choisis par volonté de travail, de pousser les côtés, chacun de son côté, et le centre vers le centre m'en fout. J'y crois, et n'y crois, et n'y vois pas, donc j'en fais abstraction, c'est comme ça. Occasion saisie de ne pas me taire, non, non à la vie, parce que c'est ça la vie. Bonjour, bienvenue dans ce DVD. Sadisme, masochisme, exil, voyeurisme, fétichisme, bondage sont au programme. Faites votre choix parmi ces clips vidéo, tous plus hautes, les uns que les autres. C'est vous qui composez votre menu en fonction de votre envie. Chaque clip dure plus d'un quart d'heure et vous ne payez que ce que vous regardez. Alors, trêve de discours, passons aux choses sérieuses. Merci de Gun Player numéro 4. Écoutez Canal Sud, Canal Sud point, je veux dire pardon, Canal Sud 92.2 FM pardon, ou Canal Sud.net sur le web. Canal Sud est aussi représenté, ou représente peut-être ouais, pour la partie humaine, ouais, yeah, tout ça quoi. Enfin, l'émission c'est nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances. Ce soir donc nuisance selon ce débat avec la frénésie d'un acte regretté ce soir. Avouez, puisque vous êtes là à m'entendre, l'aveu se fait abscons territoire, toujours inadverse, mais pourtant, dans une telle adversité, l'on peut se demander si, peut-être, ou pas. En tout cas, l'on le peut, peut-être ou pas. Ce qui affirme quelque chose à propos de liberté, de propension à agir ou à ne pas agir. Oui, ce qui pose une question finalement à la conscience même que l'aveu est fait. Je m'ai trompé. Thank you. Bon bah voilà, Nuisance c'est fini. Et pourquoi c'est fini Nuisance alors qu'on s'amusait tellement et que c'était tellement bien à Canal Sud 92.2 FM ou sur le 40 rue Alfred Duméry 31400 Toulouse au téléphone le 05 61 53 36 95. Eh bien je ne le sais pas. Et tout en ne le sachant pas, bye bye.